Alors, de retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Noël arrive à grands pas et pour plusieurs personnes, en fait, c'est un moment de festivité et d'abondance alimentaire. Notre chroniqueuse nutrition, Karine Gravel, nous parle de gourmandise qui est souvent considérée comme un vice ou un défaut et parfois comme une vertu ou une qualité. Bonjour Karine. Bonjour François. Alors d'abord, pourquoi la gourmandise est-elle perçue comme un vice? Mais on s'en doute un peu, hein? C'est sous l'angle religieux que la gourmandise est perçue de façon plus négative. Donc dans la religion catholique, c'est d'ailleurs le septième péché capital. C'est un fait. Oui, c'est synonyme d'excès, de goinfrerie, de gloutonnerie. Avoir du plaisir à manger, c'est mal vu parce que c'est considéré comme étant opposé à la modération. Puis c'est aussi associé à une perte de contrôle alimentaire, donc toujours du point de vue religieux, pas de mon point de vue. Oui, c'est un fait. Mais on peut quand même avoir du plaisir à manger avec modération, comme on peut aussi avoir du plaisir à boire avec modération. Oui. En fait, est-ce que la perte de contrôle alimentaire pourrait t'amener à manger au-delà de ses besoins en énergie, comme par exemple je n'ai plus faim, c'est trop bon, j'ai envie de goûter à tout. Mais dans la littérature scientifique, on rapporte que peu importe le poids corporel des personnes, on serait porté à manger davantage lorsqu'on trouve les aliments savoureux. Donc, d'après ces informations-là, si on est gourmand et qu'en présence de variété, de disponibilité d'aliments, comme par exemple dans le cas d'un restaurant avec un buffet à volonté, on pourrait être porté à manger au-delà de nos besoins en énergie. Donc, en d'autres mots, on est porté à trop manger. Oui, mais les études qui mesurent la prise alimentaire des personnes qui sont exposées à un buffet à volonté possèdent souvent la limite de présenter des résultats à court terme, c'est-à-dire de présenter la mesure de la prise alimentaire seulement pour la durée du repas qui est étudiée, en fait, ce qui se déroule là durant l'expérimentation. Donc, autrement dit, il serait possible de manger une quantité d'aliments supérieure à ses besoins à l'occasion du repas au buffet, puis de manger moins lors des autres repas de la même journée. Ce qui fait que ça peut se contrebalancer finalement au total. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, à la fin de la journée, la personne aurait mangé la même quantité de calories qu'elle mange habituellement, mais la quantité d'aliments serait répartie différemment lors des trois repas. En conséquence, elle ne prendrait pas de poids, quoi. Ben voilà, c'est exactement ça. Aussi, d'autres résultats d'études ont montré que les personnes mangeaient davantage lorsqu'il y avait des accompagnements avec leur repas principal. Ah, donc là, ça suggère que plus il y a de variété alimentaire, donc plus on a d'aliments différents devant nous, ici c'est l'ajout d'accompagnement, ben ça augmenterait aussi la prise alimentaire à court terme, donc pour la durée de ce repas-là. Donc, autrement dit, lorsqu'on est rassasié pour un aliment précis, un autre aliment qui possède des caractéristiques différentes, par exemple de texture, de couleur, pourrait relancer l'appétit et l'envie de continuer à manger. Par exemple, j'ai plus envie de manger des carottes, mais j'ai envie de manger du fromage. Ou du dessert. Ben oui, mais, toujours. Mais en fait, donc, est-ce que ce serait incorrect de dire à un enfant, si tu manges pas tes légumes, tu n'auras pas de dessert? Parce que moi, je me souviens qu'on disait ça dans mon temps. Oui. C'est ça, des fois, il y a des petits-enfants manipulateurs, des fois. Fait qu'il faut s'assurer que ce soit pas ça. Mais en même temps, c'est vrai que les enfants sont comme plus purs, sont moins influencés par la nutrition. Fait qu'il faut quand même les respecter aussi là-dedans. Donc, en présence de variété, de disponibilité alimentaire, les gens auraient tendance à manger davantage. Alors, le fait que les aliments soient disponibles à peu près partout et surtout à l'arrivée de la période de Noël, est-ce que ça pourrait nuire, ça, cette grande abondance de nourriture? Mais c'est une remarque intéressante, puisque si on retourne là, très, très loin dans le passé, donc là, on s'en va durant l'histoire puis la préhistoire, la quête de nourriture, ça avait pour but de favoriser la survie de l'espèce puis d'éviter la famine. C'est ça. Donc, cette situation-là, elle a bien changé depuis l'époque moderne, puisque la consommation de nourriture survient maintenant aussi pour d'autres raisons qu'une privation d'énergie. Alors, le fait d'être gourmand pourrait-il faire grossir? Mais si on fait un lien avec l'augmentation de l'obésité dans la population, il faut être prudent en faisant ça. La consommation de nourriture, elle est souvent motivée par le plaisir et la gourmandise, peu importe les besoins en énergie. Tout ça suggère que les aliments appétissants sont susceptibles d'amener à continuer de manger même en absence de faim. Donc, en conséquence, on sait que manger en absence de faim, c'est un comportement qui peut affecter le poids et certaines personnes semblent particulièrement sensibles à cette influence-là de stimulation à manger. Si la gourmandise est un synonyme de péché et de glouton... en fait, et de gloutonnerie pour certains, elle semble être associée au plaisir et à l'art d'apprécier la gastronomie pour d'autres. Par contre. Oui, parce qu'il y a une distinction à faire entre la gloutonnerie et la gourmandise. Ah, ben oui. Hein? Le glouton va probablement manger avec excès à un rythme très rapide. Alors que le gourmand mange avec envie, c'est une personne qui aime les bons morceaux. Mm-hmm. Donc, dans les définitions que moi j'ai lues concernant le gourmand, on ne mentionne pas de quantité d'aliments, on ne mentionne pas d'excès non plus. Donc, autrement dit, le gourmand semble avoir du plaisir à manger les aliments dont il a envie dans une quantité qui correspond probablement à sa vraie faim, donc mm-hmm. à ses besoins. Donc, à partir de ces informations-là, la gloutonnerie semble être un vice, alors que la gourmandise semble plutôt être une vertu, c'est différent. C'est un fait. Mm-hmm. Et en quoi la gourmandise est-elle une vertu? Bien, plutôt, je disais que plus on a d'aliments avec des caractéristiques différentes devant nous, bien, plus on risque d'augmenter sa prise alimentaire à court terme, donc pour la durée du repas. Mais le plaisir et la gourmandise pourraient aussi amener à cesser de manger lorsqu'on est rassasié pour un aliment précis. Donc, autrement dit, lorsqu'un aliment est consommé jusqu'au rassasiement, le plaisir à manger cet aliment-là diminue comparativement aux autres aliments qui possèdent des caractéristiques qui sont différentes. Uh-huh. Donc, de cette façon-là, la gourmandise servirait de guide pour ajuster sa consommation d'aliments en fonction de ses besoins en énergie. Donc, en mangeant de façon plus consciente, le gourmand ressentirait mieux la diminution du plaisir gustatif qui diminue en même temps que sa faim. Donc, il mange consciemment. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Oui, concrètement, une personne qui mange consciemment pourrait se dire « j'ai assez mangé de soupe, je passe au plat principal » ou « j'ai assez mangé de mon plat principal, je passe au dessert ». Donc, à l'inverse, une personne qui mange de façon distraite ou automatique pourrait avoir tendance à manger tous les aliments qui se trouvent devant elle, peu importe son niveau de plaisir gustatif, parce qu'elle mange de façon distraite. Donc, cette notion-là de plaisir est intéressante aussi, et c'est aussi appuyé par des résultats d'études scientifiques. Par exemple, dans une étude où on a demandé à des participantes de recherche de cesser de manger en présence d'une diminution de leur plaisir gustatif, elles ont moins mangé que les participantes qui ont reçu la directive de manger lorsqu'elles étaient rassasiées. Okay. Donc, ces résultats-là suggèrent que lorsqu'on a du plaisir à manger, puis à déguster ses aliments, on est loin d'avaler ses aliments tout ronds puis de trop manger, pas nécessairement. C'est un fait. Ouais. Écoute, j'ai tendance à manger par compartiment. Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. J'ai tendance à manger comme ma salade au complet, ensuite de passer ouais. soit à la viande, aux pommes de terre. Okay. Alors qu'il y en a qui mangent comme alternative. Oui, c'est, ouais, ça. C'est ça. La question que je me posais, c'est est-ce que. En fait, j'imagine qu'il n'y a certainement pas de recherche faite sur les gens qui mangent en compartiment par rapport ouais. à ceux qui mangent également dans différents... À ma connaissance, non. Ça existe, mais je pense ça. Non, c'est ça. Je pense que c'est de se fier à sa faim qui est important, okay. au bout du compte. Parce là. Que je me demandais si ça t'avisait justement une espèce de gloutonnerie que de faire ce... J'aime tellement ma salade que je veux toujours en manger jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Oui, ça fait peur, ce mot-là, glouton. Mais toi, en tant que nutritionniste, quel est ton avis sur la gourmandise? En fait, crois-tu que c'est un vice ou une vertu? En partie, un vice lorsque la gourmandise entraîne une augmentation de la prise alimentaire, là, quand il y a une présence de variété et de disponibilité d'aliments. Uh-huh. Et je dirais surtout quand on n'est pas attentif à ces signaux de faim et de satiété. Je pense que c'est surtout ça le problème. Uh-huh. Mais c'est plutôt une vertu lorsqu'on mange consciemment et à sa faim, puisque la gourmandise nous aide à ajuster notre prise alimentaire en fonction de nos vrais besoins en énergie. Donc, au bout du compte, je crois que c'est plutôt positif d'être gourmand, puisque les gourmands ils aiment manger au départ. Donc, pour moi, ça veut dire qu'ils peuvent être davantage portés à planifier leur repas, à choisir leurs aliments avec soin, puis même à cuisiner davantage. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça, exactement. Hein. Donc, pour eux, l'alimentation, c'est pas une corvée, une obligation ou une privation, mais c'est un plaisir à la base. Donc, je pense que là, on a un ingrédient pas mal intéressant. C'est un fait. Avec tout ça, en fait, on a parlé des gourmets. En fait, on n'a pas parlé des gourmets, mais les gourmets penchent-ils du côté glouton ou du côté gourmand? Mais je pense qu'en fait, on a trouvé des éléments de réponse dans ce que tu viens de nous dire. Merci, Karine, et merci. Bon appétit à tous les auditeurs qui nous écoutent et bonne satiété. Alors, on part en publicité sur CKRL au 89.1. Au retour, on ne parle pas de gourmandise, mais d'addiction.